mec de la cour de récré, ok, bien en flagrant. Parti de rien, rien à perdre, on te doit rien, faut que tu payes grand. En live de la cour de récré, ok, bien en flagrant. Parti de rien, rien à perdre, on te doit rien, faut que tu payes grand. Ok, laisse-nous faire le job, laisse-les faire des pifs comme à la junk. Ils veulent faire les fous, pouh. Un 3 de quoi les faire jump. Qu'ils disent, qu'ils fassent, plein phare. Billets plein les mains à la G-Boy. Arbrun, pof pof, plein de face. All eyes on me, pose à la B-Boy. Vert en l'air, majeur en l'air. On claque le temps comme on claque de l'écu. Vie comme si on allait jamais crever. Mais on va crever comme si on avait jamais vécu. On ira tous paradise ou enfer. Nique sa mère, on devient ce qu'on devient. Mieux gâcher sa life que rien l'enfer. C'est pour tous ceux qui payent en billets de vin. Rien ne change à part le prix de l'or. Nous je ne manque affreusement de l'or. Gris, rouge, bleu, beige, vert, jaune, violet. Nous je ne manque affreusement de l'or. Tu peux déballer, tu peux débattre. Des hauts, des bas, tu connais le taros. Tu viens d'où tu peux ramasser des balles. Je te parle pas de Roland Garros. Pas de me graisser la patte, me calache,